pense qu'on pionce pas, pionce pas, pionce pas, pionce pas. Oui, oui. J'sais pas comment ça se passe chez les autres, chez les autres, chez les autres, chez les autres, chez les autres. Yeah. J'sais pas comment ça se passe chez les autres, chez vous, moi. Très tard tu me verras faire mes devoirs et heurter les boomers. J'écris sous un ciel étoilé, j'y adresse des tours à l'heure des éboueurs. J'trouve pas le sommeil des sales phases à 5h du mat. Rap versus l'oreille de mes bâtards, c'est le vainqueur du match. Roule des gros joints plus qu'un gimmick. Clinique c'est grimaire, tes cuisses tu fais partie de ces putains de gimmicks. L'instru ne te privera pas de morfler. Faites chauffer la meringue, j'ai implanté ma seringue dans les bras de Morphée. J'ai le morge, ma morse telle une bombe Zeppo. On pète les dorsaux, des morceaux pour mes corses et mes bronzés de peau. T'as l'œil écarté, le rêve brisé, mate l'écart qu'il y a entre ton quartier et l'Elysée. Si l'état s'engogne, j'démarre sans grogner. Mais pas sans mordre les passants, que les barres sans collier. Cherche pas à plaire, plutôt à bousiller le taulier. Vu qu'on ne peut pas revenir en arrière pour scier le pommier. 5h du mat, serre-moi en café, serré en cognac. C'est Gengis, Noka et Kayla Somniac. J'ai la peau blanche comme la nuit que je passe. Comme le temps quand j'écris sous la seule branche. Mais l'ami faut que je trace, 5h du mat, faut que je taffe. Dans pas moins de 30 minutes, soulever les cartons des potes à moi du clan discute. T'as pas ma vie que je sache, mais range-moi vite ce chlasse. C'est qu'on vide le sac, vos sales plans nous les écartons. 5h, certains de mes potes veulent ta culotte et le kitty. Viens, je te décroche, près la lune, je suis le pilote du vélo Liti. C'est la vie, les mecs. Gros blunt tassé, j'en ai coulé des douilles. Partir ta fesse, les faire casser. Plutôt que de se vider les j'ai vu des merdes opaques, des vraies taches grises. La vie est une partie de poker avant qu'on te serve au quart, tu perds ta chemise. Mais on rêve plus d'apporter quelque chose à la Tessie. De même qu'on rêve tous de quelque chose de Tennessee. Pas comment ça se passe chez les autres, mais j'ai les faits, les tirs en passant, faire casser les autres et sans t'effréner. Qui la potence pour bourreau va-t'en pas son accord. Celui qui veut liquider l'équipe prendra tout l'accord. J'sais pas comment ça se passe chez les autres, mais j'ai les faits, les tirs en passant, faire casser les autres et sans t'effréner. Qui la potence pour bourreau va-t'en pas son accord. Celui qui veut liquider l'équipe prendra tout l'accord. Pendant que tu dors en gisse entre les mégots et les sandales, les chaussettes sales la tisse, pas de pélo chez mes semblables. Bien dans mes sabates, 5h du mat, la nuit mon leitmotiv et j'suis un autre même bâtard. Une bête nocif sans opinion, rien à foutre, j'fais peu de place au triomphe, moitié schizo. T'étonne pas si le soir j'ai chargé le pilon. C'est comme ça que ça se passe chez nous frère. Un jour peut-être j'tâcherai de vous plaire, faut que j'taille avant de cramer d'autres crayons. J'vis avec mon temps petit, chaque semaine j'en prends plein la gueule et j'dois suivre le mouvement, quitte à faire sans plan. J'vise la lune, en ces nuits noires j'aiguise ma plume, comme à chaque fois on s'alcoolise et le beat va se faire sentir. Grande jusqu'à l'aube, j'conne pour la forme et si j'suis entouré de mes frères, c'est que je me bats pas pour ma pomme. Je tire sur la corde comme un bâtard sans gloire. Pour toucher mes foutus rêves, faudrait que je m'endorme sur la brosse. Comment ça se passe ici, les pélos s'enchaînent. Hein, quoi t'as pas saisi, mais si, voilà les faces, saisi d'un pélo sans gêne. 5h du match, rafale, j'ouvre le compte ragaz. Et j'y fous le feu, j'ai du rap fat sans une once de raga. J'fais la fête avec des chiens scandales. J'ai la fête donc j'ai choisi ma reine. Et c'est la taille de 50 âges. C'est l'alcool qui pilote l'ovni. On est dans 5000 orbes et dans mes textes. Ni d'or, ni l'ovni. Fleurs car ils ont faim les pleurs. Chanterai sur les gravats. Je trouverai pas de mon sang parmi tous ceux qu'il y a sur les cravages. Pareil que t'as pas les temps qu'une 900 mecs. Alors qu'est-ce que t'attends pour me la mettre? Merde, t'attends qu'une 900 mecs. Puisque la terre va bientôt foirer, c'est bête que l'on ne me laisse pas partir avec la tête d'Alberto Suarez. Et tout ça sans vous offenser quand je disparais sous. À l'heure où le rap français vend des disques à des sous. J'sais pas comment ça se passe chez les autres, mais j'ai les faits, les tirs en passant, faire casser les autres et sans s'effréner. La potence pour bourreau n'attend pas son accord. Celui qui veut liquider l'équipe prendra tout l'accord. J'sais pas comment ça se passe chez les autres, mais j'ai les faits, les tirs pas sans faire casser les autres et sans s'effréner. Qui la potence pour bourreau n'attend pas son accord. Celui qui veut liquider l'équipe prendra tout l'accord. J'sais pas comment ça se passe chez les autres. C'est comme ça que ça se passe chez nous, frère.